Nous avons là une boîte de pétri contenant une souche de fermentation réalisée à partir de pain de seigle. C'est un cadeau, cette souche, qui nous vient de la ville de Berne en Suisse.